Le téléphone vient de sonner. Je peux m'arrêter à droite, en 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. En 2. Oui, réponse C. Non, réponse D.